Chapitre 25e, Vanité. Mes enfants ont diminué rapidement quand il faut, dès le commencement, y toucher pour acheter des tapis, des souliers, payer des raccommodages, etc. Depuis quelque temps, une idée préoccupait Jane. Elle se disait que William devait la quitter pour travailler et ajouter quelque chose à ses gains de chaque semaine. Il était ardent et plein de bonne volonté. Il nourrissait, comme la plupart des garçons de son âge, quelques brillants projets d'avenir que Jane se vit forcée de faire disparaître, en lui expliquant un jour qu'à son âge, gagner de l'argent exigeait un travail assidu. William rougit vivement. Jane l'attira à elle et appuyant sa joue contre la sienne. « Il n'y aurait là rien de déshonorant, mon chéri. Le travail en lui-même n'est pas une disgrâce, que ce soit celui d'un commissionnaire ou d'un balayeur de boutique. Tant que nous conservons notre pureté de langage, nos bonnes manières, notre courtoisie envers chacun, nous resterons des gens distingués, quelle que soit notre profession. Je crois, William, que tu dois nous aider. » « Oui, je le vois, maman, j'essaierai. Quelque chose peut se présenter. » Jane n'avait pas grande foi dans les choses qui se présentent. Elle croyait qu'il fallait les chercher. Le même soir, elle alla chez M. Lynn lui demander conseil. Elle y trouva Anna dans les larmes. Voici pour quelle cause. Patience, laissant Anna préparer ses leçons, est allée à la cuisine donner quelques ordres à Grace. Anne profita de l'occasion pour prendre un peu de récréation, non pas, enfant gâtée qu'elle était, qu'elle en eût grand besoin, car elle avait à peine jeté les yeux sur ses livres. Elle ôta tout d'abord son bonnet, puis elle sortit de sa poche un miroir de la grandeur d'un écu de 5 francs. L'appuyant contre ses livres, afin que les rayons de la lampe l'éclairassent, elle commença à se regarder, à passer autour de ses doigts les anneaux de sa luxuriante chevelure. Triste vanité pour une petite quaqueresse. Mais il faut avouer que jamais miroir, petit ou grand, ne refléta plus gracieuse image. Elle venait d'arranger ses boucles et en contemplait l'effet à son entière satisfaction quand, par derrière, plutôt qu'on ne s'y attendait, rentra Patience qui surprit la jeune demoiselle occupée à sa toilette. Anna ne sut d'abord ce qu'elle devait le plus vite cacher de ses boucles ou de son miroir. « Vilaine, méchante enfant, qu'est-ce que tu vas devenir? D'où as-tu ceci ?» Anna fondit en larmes et dit qu'elle avait trouvé cette glace. « Ce n'est pas vrai. Je te demande d'où tu la tiens. » D'une nature remarquablement mobile, hésitante et timide, Anna ne soutenait jamais longtemps l'interrogatoire de Patience. Au milieu de ses larmes, elle en vint à avouer que Lucy Dixon l'avait apporté à l'école dans sa boîte à ouvrages. C'était un miroir de poupée et elle, Anna, avait donné ses 12 sous en échange. « Les 12 sous que ton père t'a donné hier pour que tu sois une bonne fille !» s'écria Patience. « Je lui avais bien dit que tu n'en ferais pas un bon usage. Monte avec moi te coucher, je te parlerai lorsque tu seras dans ton lit. » Anna redoutait entre toutes choses d'aller au lit plus tôt que d'habitude. Elle sanglota, demanda pardon, promit de se corriger. Patience, calme et ferme, l'aurait fait obéir si Samuel Lynn était arrivé. La faute lui fut racontée par Patience et le miroir exhibé. Anna s'attacha à lui en gémissant. « Cher père, ne me laisse pas aller coucher. Permets-moi de rester auprès de toi pendant que tu prends ton thé. Patience peut garder le miroir, mais ne me laisse pas aller coucher. » C'était un vrai tableau que cet enfant s'attachant à son père, les joues enflammées, ses longs cils humides, ses beaux cheveux épars. Samuel Lynn, quoiqu'il ne fût pas un homme démonstratif, l'attira à lui avec affection. Peut-être le crime de s'être regardé dans un miroir de poupée et d'avoir joué avec ses cheveux lui paraissait-il plus vénial qu'à Patience. « Recommenceras-tu, Anna ?»« Non, jamais, jamais !» sanglota Anna. « Alors Patience te permettra de rester pour cette fois, mais tu feras bien attention. » Il la mit sur une chaise tout près de lui. Patience, très mécontente, quitta la chambre sans dire un mot. Grace apparut avec le plateau au thé et annonça que Patience prendrait son repas à la cuisine. C'est à ce moment que Madame Halliburton arriva. Elle dit au Quaker qu'elle était venue le consulter au sujet de William et lui fit part de ses désirs. « À te parler franchement, Annie, je me suis fort étonnée de ce que, en tes difficultés, tu ne cherchais pas à placer ton fils aîné. » répondit le Quaker, « il aurait pu t'aider. »« Il est bien jeune, Monsieur Lynn. Croyez-vous qu'il me serait possible de lui trouver une occupation ?»« Cela dépend, ami, du genre de place qu'il désire. Je pourrais lui en procurer une d'aide-main, mais c'en est une qui peut ne pas s'accorder avec tes goûts. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda vivement Jane. « C'est dans la manufacture de Thomas Ashley. Nous avons besoin d'un autre garçon. Et le patron m'a dit aujourd'hui d'en chercher un. Qu'aurait-il à faire et que gagnerait-il? Il aura à faire tout ce qu'on lui ordonnerait. Ton fils est plus âgé que ne le sont ordinairement les enfants que nous employons. Il a été élevé autrement. Aussi, je pourrais l'occuper à quelque chose de mieux et lui faire gagner davantage. Nos garçons balayent et poussettent. Ils vont faire les commissions, portent les ordres aux ouvriers, noircissent les gants, apportent le charbon et gagnent, s'ils sont actifs, 3 francs par semaine. Le cœur de Jane s'assombrissait. Mais ton fils serait, je crois, traité un peu différemment. Je puis t'assurer, ami, que quelques-uns des premiers manufacturiers de la ville ont commencé de la sorte leur carrière. On acquiert une connaissance approfondie des affaires qu'en commençant au premier échelon et en montant petit à petit. Monsieur Ashley-t-il ainsi commencé? Elle n'aurait pu définir son motif en faisant cette question, si ce n'est peut-être qu'elle se disait que si Monsieur Ashley avait fait tout cela, William pouvait aussi le faire. Non, ami, le père de Thomas Ashley avait de la fortune, et Thomas a reçu une bonne éducation. Il n'a jamais pris une part pratique aux affaires. En cela, c'est moi qui le remplace. Son travail se borne à la correspondance et à la tenue des livres. Son père aurait voulu le voir embrasser une autre profession, mais Thomas préféra lui succéder. Si tu veux que ton fils entre dans notre manufacture, je le prendrai. Jane était indécise. Elle était bien sûre que ses perspectives ne souriraient pas à William. Il avait pensé entrer dans une maison de banque ou chez un notaire, dit-il tout haut. Il aimerait mieux employer son temps à écrire. Y aurait-il quelques difficultés à le faire entrer dans un bureau? Je ne crois pas qu'un notaire prie un garçon de son âge. On exige une écriture ferme et correcte. Au reste, je ne puis te dire grand-chose là-dessus. Je n'ai rien à faire avec les notaires. Il peut chercher. Jane se leva. Elle restait près de la table, caressant machinalement les boucles d'Anna, car son bonnet n'avait pas été remis et Samuel Lynn n'avait pas eu l'air de s'en apercevoir. « Je vous parlerai franchement, monsieur Lynn, dit-elle. Je crains que la place que vous m'offrez si amicalement ne plaise pas, William. Un autre emploi lui sourirait davantage. Cependant, s'il ne trouvait rien d'autre, je serais heureuse qu'il acceptât celui-ci. Voulez-vous m'accorder 3 jours pour réfléchir? Pour t'obliger, ami, je le veux bien. Quand Thomas Ashley donne des ordres, il veut qu'on les exécute tout de suite. Et comme je te l'ai dit, il m'a parlé aujourd'hui d'un nouvel employé. Ne serait-ce pas un soulagement pour toi, ami, si tes 2 autres garçons suivaient le collège? Mais je n'ai pas de recommandation, dit Jane. Je sais que l'éducation y est gratuite, mais je ne saurais comment y faire entrer mes fils. Tu le pourrais aisément, tu n'as qu'à essayer. Je dois te dire que ce collège n'est pas en grande réputation, parce qu'on n'y enseigne que le grec et le latin. Autrefois, cela suffisait, mais de nos jours, on est devenu plus exigeant. Thomas Ashley y a été élevé, mais il y avait en outre chez lui un précepteur et des professeurs. Aussi y a-t-il dans le pays peu d'hommes aussi instruits, aussi cultivés que Thomas Ashley. J'ai entendu dire que tes fils ont commencé le latin. Cela les aiderait. Je ne désirais rien autant, dit Jane, le cœur rempli de nouvelles espérances. J'en avais bien entendu parler, mais j'ai cru longtemps que c'était une institution très coûteuse. Non, ami, elle est gratuite. Le meilleur moyen d'y faire entrer un garçon, c'est de se lier avec le directeur ou quelqu'un des membres du clergé. Le nom de M. Pearson se présenta à Jane. Elle souhaita le bonsoir à Samuel Lynn et à Anna, ainsi qu'à Patience, en traversant la cuisine. Patience avait pleuré. « Anna me cause du chagrin, » expliqua-t-elle. « J'aime beaucoup cet enfant, mais Samuel Lynn s'aveugle sur ses défauts. L'avenir m'inquiète. Tu ne peux te figurer sa vanité. Je crains aussi qu'elle ne soit trompeuse. Je voudrais que son père le comprît. Je voudrais qu'il la gâte à moi et la corrige davantage. » Bonne nuit. Avant d'achever ce chapitre, nous ferons peut-être bien apprendre à nos lecteurs la bonne fortune de la petite Jenny. Elle avait trouvé grâce aux yeux de Dobbs. La cause, Dobbs elle-même aurait peine à l'expliquer. La bonne vieille Madame Rice aimait les enfants et avait pris l'habitude d'inviter Jane à prendre le thé. Après le repas, Dobbs raccommodait du linge et Dobbs, quoiqu'il ne voulût l'avouer ni à elle ni à personne, n'y voyait goutte pour enfiler son aiguille. L'aiguille d'une main, le fil de l'autre, elle les faisait battre l'un avec l'autre 5 minutes durant, sans résultat aucun. Jenny eut l'ingénieuse idée de lui enfiler une aiguille sans rien dire. Pendant qu'elle en utilisait une autre, et depuis ce temps, elle s'acquitta régulièrement de cet emploi. Cette attention adoucit-elle la terrible Dobbs? Le fait resta un mystère, mais il n'en advint pas moins que Dobbs continua à s'attacher à la petite Jenny, qui depuis lors ne manqua de rien. Pendant que ses frères avaient faim, elle nageait dans l'abondance. Madame Halliburton, par délicatesse, ne voulut pas permettre à Jenny d'accepter ses fréquentes invitations. Mais Dobbs entrait comme un ouragan, la figure rouge à force d'être restée, la tête sur le feu de la cuisine, et emmenait triomphalement la petite fille. Madame Halliburton, alors, en parla sérieusement à Madame Rice, mais l'excellente dame l'assura qu'elle éprouvait autant de plaisir que Dobbs à voir l'enfant auprès d'elle. Un jour, Jenny resta bouche close devant une assiette de gâteaux aux pommes. « Je suis toute rassasiée, dit-elle, avec plus de franchise que de politesse. Je ne puis pas manger une bouchée de plus. Est-ce que je peux porter ce qui est sur mon assiette à gare ?»« Non, certainement, » cria Dobbs, empêchant Mme Rice de répondre affirmativement. « Jenny, comment osez-vous demander pareille chose ? Vous savez bien que ces garçons font le tourment de ma vie. » Et elle s'empressa de saisir l'assiette et acheva elle-même le morceau de gâteau de peur qu'il ne trouvât la route indiquée. Sacrifice personnel qui servit à montrer son ardeur à défendre sa cause. Car rien ne donnait des indigestions à Dobbs, comme le pudding aux pommes, il savait d'avance qu'elle souffrirait le martyre le jour suivant. Ainsi Jenny, du moins, n'eut plus à souffrir de privation, et Madame Halliburton se sentit bien reconnaissante. Le temps allait venir où elle le serait encore plus.